Chapitre 27e. À peu près vers le temps où je fis succomber le receleur, une espèce de bande s'était formée dans le faubourg Saint-Germain, qu'elle exploitait de préférence aux autres quartiers de Paris. Elle se composait d'individus qui paraissaient dans la dépendance d'un chef nommé Guevive, dit Constantin, dit Antin par abréviation. Car parmi les voleurs, de même que parmi les souteneurs de filles, les claqueurs et les escrocs, c'est un usage de ne se faire appeler que par la dernière syllabe du prénom. Guevive ou Antin était un ancien maître d'armes qui, après avoir fait le métier de spadassin au gage des courtisanes du plus bas étage, accomplissait dans l'état de voleur les vicissitudes de la vie de mauvais sujet. Il était, assurait-on, capable de tout, et bien qu'on ne pût pas prouver qu'il eût commis des meurtres, on ne doutait pas qu'au besoin il hésitât à verser le sang. Sa maîtresse avait été assassinée dans les Champs-Élysées, et on l'avait fortement soupçonné d'être l'auteur de ce crime. Quoi qu'il en soit, Guevive était un homme très entreprenant, d'une audace à toute épreuve et d'une effronterie extraordinaire. Du moins, ses camarades le tenaient pour tel, et il jouissait parmi eux d'une sorte de célébrité. Depuis longtemps, la police avait l'œil fixé sur Guevive et sur ses complices, mais elle n'avait pu les atteindre, et chaque jour, quelque nouvel attentat contre la propriété annonçait qu'il n'était pas oisif. Enfin, on résolut bien sérieusement de mettre un terme aux méfaits de ces brigands, et je reçus en conséquence l'ordre de me porter à leur recherche et de tâcher de les prendre, comme on dit, la main dans le sac. On insistait principalement sur ce dernier point, qui était de la plus haute importance. Je m'affublai donc d'un costume convenable, et le soir même, je me mis en campagne dans le faubourg Saint-Germain, dont je parcourus les mauvais lieux. À minuit, j'entre chez un nommé boucher, rue Neuve-Guillemin. Je prends un petit verre avec des filles publiques, et tandis que je suis dans leur compagnie, j'entends, à une table voisine de la mienne, résonner le nom de Constantin. J'imagine d'abord qu'il est présent. Je questionne adroitement une fille. « Il n'est pas là, » me dit-elle, « mais il vient tous les jours avec ses amis. » Au ton dont elle me parla, je crus m'apercevoir qu'elle était très au fait des habitudes de ces messieurs. Je l'engageai à souper avec moi, dans l'espoir de la faire jaser. Elle accepta, et lorsqu'elle fut passablement animée par l'effet des liqueurs fermentées, elle s'expliqua d'autant plus ouvertement que mon costume, mes gestes et surtout mon langage la confirmaient dans l'idée que j'étais un ami, un voleur. Nous passâmes une partie de la nuit ensemble, et je ne me retirai que lorsqu'elle m'eut instruit des endroits que fréquentait Guevive. Le lendemain, à midi, je me rendis chez Boucher. J'y retrouvai ma particulière de la veille. À peine suis-je entré, elle me reconnaît. « Te voilà, » me dit-elle, « si tu as parlé à Guevive, il est ici. » Et elle m'indiqua un individu de 28 à 30 ans, vêtu assez proprement, quoiqu'en veste. Il avait environ 5 pieds 6 pouces, une assez jolie figure, des cheveux noirs, de beaux favoris, de belles dents. C'était bien ainsi qu'on me l'avait dépeint. Sans hésiter, je l'accoste, en le priant de me donner une pipe de tabac. Il m'examine, me demande si j'étais militaire. Je lui réponds que j'ai servi dans les hussards, et bientôt, le verre à la main, nous entamons une conversation sur les armées. Tout en buvant, le temps se passe, on parle de dîner. Guevive me dit qu'il a arrangé une partie, et que si je veux en être, je lui ferai plaisir. Ce n'était pas le cas de refuser. Je me rends sans plus de façon à son invitation, et nous allons à la barrière du Maine, où l'attendaient 4 de ses amis. En arrivant, nous nous mîmes à table. Aucun des convives ne me connaissait. J'étais pour eux un visage nouveau. Aussi fut-on assez circonspect. Néanmoins, quelques mots d'argot, lâchés par intervalles, ne tardèrent pas à m'apprendre que tous les membres de cette aimable compagnie étaient des ouvriers, des voleurs. Ils voulurent savoir ce que je faisais. Je leur bâtis un compte à ma manière, et d'après ce que je leur dis, ils crurent non seulement que je venais de la province, mais encore que j'étais un voleur qui cherchait à s'accrocher à quelque chose. Je ne m'expliquais pas positivement à cet égard, mais affectant certaines manières qui trahissent la profession, je leur laissais entrevoir que j'étais assez embarrassé de ma personne. Le vin ne fut pas épargné. Il délia toutes les langues, si bien qu'avant la fin du repas, je sus la demeure de Guevive, celle de Joubert, son digne acolyte, ainsi que les noms de plusieurs de leurs camarades. Au moment de nous séparer, je fis entendre que je ne savais trop où aller coucher. Joubert offrit de m'emmener chez lui, et il me conduisit rue Saint-Jacques, numéro 99, où il occupait une chambre au second étage sur le derrière. Là, je partageais avec lui le lit de sa maîtresse, la fille Cornevin. L'entretien fut long. Avant de nous endormir, Joubert m'accablait de questions. Il tenait absolument à connaître quels étaient mes moyens d'existence. Il s'enquérait si j'avais des papiers. Sa curiosité était inépuisable. Pour la satisfaire, j'éludais ou je mentais, mais en cherchant toujours à lui faire concevoir que j'étais un confrère. Enfin, il me dit, comme s'il m'avait deviné, « Ne battez plus, vous êtes un grinche. Ne dissimulez plus, vous êtes un voleur. » Je parus ne pas comprendre ces paroles. Il me les expliqua en français. Ayant l'air de prendre la mouche, je lui répondis qu'il se trompait, que s'il prétendait me plaisanter de la sorte, je serais obligé de me retirer. Joubert se tut, et il ne fut plus question de rien jusqu'au lendemain 10 heures, que Gueville vint nous réveiller. Il fut convenu que nous aurions déjeuné à la glacière. Nous partîmes. Chemin faisant, Gueville me prit à part et me dit « Écoute, je vois que tu es un bon garçon. Je veux te rendre service. Ne sois pas si dissimulé. Dis-moi qui tu es et d'où tu sors. » Quelques demi-confidences lui ayant donné à penser que je pourrais bien être un échappé du bagne de Toulon, il me recommanda d'être discret avec ses camarades. « Ce sont, ajouta-t-il, les meilleurs enfants du monde, mais un peu bavards. »« Oh, je suis sur mes gardes, » lui répliquai-je, « et puis je ne crois pas moisir à Paris. Il y a trop de mouchards pour que j'y sois en sûreté. »« C'est vrai, » me dit-il, « mais si tu n'es pas connu de Vidocq, tu n'as rien à craindre, surtout avec moi, qui flaire ces grenadins comme les corbeaux sentent la poudre. » « Quant à moi, repris-je, je ne suis pas si malin. Cependant, si j'étais en présence de Vidocq, d'après la description qu'on m'en a faite, ses traits sont si bien gravés dans ma tête qu'il me semble que je le reconnaîtrais tout de suite. »« Tais-toi donc, on voit bien que tu ne connais pas le pèlerin. »« Figure-toi qu'il se change à volonté. Le matin, par exemple, il sera habillé comme te voilà. À midi, ce n'est plus ça. Le soir, c'est encore autre chose. Pas plus tard qu'hier, ne l'ai-je pas rencontré en général ?» Mais je n'ai pas été dupe du déguisement. D'ailleurs, il a beau faire, lui comme les autres, je les devine au premier coup d'œil. Et si tous mes amis étaient comme moi, il y a longtemps qu'il aurait sauté le pas. « Bon, lui fais-je observer, tous les Parisiens en disent autant, et il est toujours là. Tu as raison, me dit-il. Mais pour te prouver que je ne suis pas comme ces badauds, si tu veux m'accompagner, dès ce soir, nous irons l'attendre à sa porte, et nous lui ferons son affaire. » J'étais bien aise de savoir s'il savait effectivement ma demeure. Je lui promis de le seconder, et vers la brune, il fut convenu que chacun de nous mettrait dans son mouchoir 10 pièces de 2 sous en cuivre, afin d'en administrer quelques bons coups à ce gueux de Vidocq lorsqu'il entrerait chez lui ou en sortirait. Les mouchoirs sont préparés, et nous nous mettons en route. Constantin était déjà un peu dans le train. Ils nous conduisirent rue Neuve Saint-François, tout juste devant la maison numéro 14 où je demeurais en effet. Je ne concevais pas comment il s'était procuré mon adresse. J'avoue que cette circonstance m'inquiéta, et que dès lors, il me sembla bien étrange qu'il ne me connût pas physiquement. Nous fîmes plusieurs heures de faction, et Vidocq, comme on le pense bien, ne parut pas. Constantin était on ne peut plus contrarié de ce contretemps. « Il nous échappe aujourd'hui, me dit-il, mais je te jure que je le rencontrerai, et il me payera cher la garde qu'il nous a fait monter. » À minuit, nous nous retirâmes en remettant la partie au lendemain. Il était assez piquant de me voir mettre en réquisition pour coopérer à un guet-apens dirigé contre moi. Constantin me sut beaucoup de gré de ma bonne volonté. Dès ce moment, il n'eut plus de secret pour moi. Il projetait de commettre un vol rue Cassette. Il me proposa d'en être. Je lui promis d'y participer, mais en même temps je lui déclarai que je ne pouvais ni ne voulais sortir la nuit sans papier. « Eh bien, me dit-il, tu nous attendras à la chambre. » Enfin le vol eut lieu. Et comme l'obscurité était grande, Constantin et ses compagnons, qui voulaient voir clair en marchant, eurent la hardiesse de décrocher un réverbère que l'un d'eux portait devant le cortège. En rentrant, ils plantèrent ce fanal au milieu de la chambre et se mirent à faire la revue du butin. Ils étaient au comble de la joie, en contemplant les résultats de leur expédition. Mais à peine 50 minutes s'étaient écoulées depuis leur retour qu'on frappa la porte. Les voleurs étonnés se regardent les uns les autres sans répondre. C'était une surprise que je leur avais ménagée. On frappe encore. Constantin alors, commandant par un signe le silence, dit à voix basse « C'est la police, j'en suis sûr. » Soudain, je me lève et me glisse sous un lit. Les coups redoublent, on est forcé d'ouvrir. Au même instant, un essaim d'inspecteurs envahit la chambre, on arrête Constantin et 4 autres voleurs. On fait une perquisition générale, on visite le lit dans lequel est la maîtresse de Joubert, on sonde même le dessous de la couchette avec une canne, et l'on ne me trouve pas, je m'y attendais. Le commissaire de police dresse un procès-verbal, on inventorie les marchandises volées, et on les emballe pour la préfecture avec les 5 voleurs. L'opération terminée, je sortis de ma cachette. J'étais alors avec la fille Cornevin, qui ne pouvant cesser d'étonner de mon bonheur auquel elle ne comprenait rien, m'engagea à rester chez elle. « Y songez-vous, lui répondis-je, la police n'aurait qu'à revenir. » Et je la quittai en lui promettant de la rejoindre à l'estrapade. J'allai chez moi prendre du repos, et à l'heure indiquée, je fus exact au rendez-vous. La fille Cornevin m'y attendait. C'était sur elle que je comptais pour obtenir la liste complète de tous les amis de Joubert et de Constantin. Comme j'étais bon enfant avec elle, elle me mit promptement en rapport avec eux, et en moins de 15 jours, grâce à un auxiliaire que je lançais dans la troupe, je réussis à les faire arrêter les mains pleines. Ils étaient au nombre de 18, ainsi que Constantin, ils furent tous condamnés aux galères. Au moment du départ de la chaîne, Constantin, m'ayant aperçu, devint furieux. Il voulut se répandre en invectives contre moi, mais sans m'offenser de ses grossières apostrophes, je m'approchai de lui et lui dis avec sang-froid qu'il était bien surprenant qu'un homme tel que lui, qui connaissait Vidocq et jouissait de la précieuse faculté de sentir un mouchard d'aussi loin que les corbeaux sentent la poudre, se fût laissé dindonner de la sorte. Atterré, confondu par cette foudroyante réplique, Constantin baissa les yeux et se tut.